pourquoi des Amazones combattirent notre armée coloniale. Vous avez peut-être vu le film The Woman King, sorti en septembre 2022. Il s'agit d'un film d'aventure, une fiction, tirée d'une histoire vraie, comme disent les cinéastes pour attirer le public. Elle évoque l'histoire des femmes soldats du Dahomey, l'actuel Bénin, que les Français surnommèrent à la fin du XIXe siècle les Amazones. L'historienne Hélène d'Almeida Topor a raconté leur histoire en recueillant les souvenirs des dernières représentantes de ce corps de troupes. Il a été fondé au début du XVIIIe siècle par Tassi Ngbe, la reine du Dahomey. Au départ, ces guerrières n'avaient pas de nom. Pour le peuple, elles étaient simplement Mi-No, ce qui signifiait « nos mères » dans la langue locale. Au XIXe siècle, elles étaient reconnaissables par leur uniforme, de longues tuniques bleues ceinturées à la taille, sur un pantalon bouffant. Leur crâne était rasé et surmonté d'un petit bonnet blanc brodé d'un caïman. Les Mi-No possédaient leur propre drapeau, leurs insignes et leurs fanfares. Elles cultivaient leur réputation redoutable en s'entraînant quotidiennement pour renforcer leur musculature et en limant leurs ongles en pointe qu'elles faisaient durcir avec de l'urine de bœuf. Quand elles s'emparaient d'un ennemi, elles le décapitaient et s'empressaient de brandir sa tête tranchée comme trophée. Les Mi-No, qui faisaient partie de la garde royale, étaient recrutées en général au début de l'adolescence. Elles devaient consacrer toute leur vie au métier des armes, ce qui les condamnait au célibat. Leur entraînement quotidien était très éprouvant et se doublait d'un conditionnement psychologique et religieux exercé dans un climat de dévotion complète à la personne du roi. Les affrontements avec les troupes coloniales débutèrent lors de la première guerre franco-dahoméenne qui dura du 21 février au 3 octobre 1890. C'est à ce moment-là que les militaires français, frappés par l'allure et la combativité de ces femmes soldats, les surnommèrent les Amazones, en référence aux guerrières antiques. Les chants traditionnels qu'a recueillis Hélène d'Almeida Topor témoignent de la détermination de ces guerrières et de leur soumission absolue au roi Béhanzin. « Il nous faut du sang, des flots de sang, sur lequel glissera le jour de son triomphe la barque de notre roi, de notre puissant Glé-Glé. » Formatées pour la guerre, les Mi-No avaient intériorisé des normes masculines qu'elles exprimaient dans leur chant en revendiquant le renversement de la division du travail inhérent à leur société. « Les lionnes sont plus terribles que les lions. Hommes, hommes, restez. Que les hommes restent, qu'ils cultivent le maïs. » Et fasse pousser les palmiers. Nous, nous partons en guerre. » Au dire de nombreux observateurs, ces Amazones avaient plus d'ardeur combative que les hommes. Mais malgré leur courage, elles furent décimées par les troupes françaises. On estime que 4000 Dahoméens succombèrent au cours de cette guerre coloniale. Lors des premiers affrontements, 1200 Amazones environ avaient participé au combat. Au moment de la reddition de Béhanzin, le 15 janvier 1894, seule une cinquantaine d'entre elles étaient encore en vie.